À quelques pas, le missionnaire priait aussi. C'était la vertu qui priait pour l'innocence. Ah, si de pareils vœux n'étaient pas écoutés du ciel, quels seraient donc ceux qui auraient le droit d'aller jusqu'à lui? On était alors à la fin de mai. C'est le temps de l'année où, entre le crépuscule du soir et l'aube du jour, à peine y a-t-il 2 heures de nuit. Élisabeth les employa à faire les préparatifs de son départ. Elle mit dans son sac de peau de reine un habit de voyage et des chaussures. Depuis près d'un an, elle y travaillait la nuit, à l'insu de sa mère. Et depuis le même temps, à peu près, elle mettait de côté, à chacun de ses repas, quelques fruits secs et un peu de farine, afin de retarder le plus longtemps possible le moment d'avoir recours à la charité d'autrui, sans être obligée, en partant, de rien emporter de ce pauvre toit paternel, où il n'y avait que le pur nécessaire. 8 ou 10 copecs formaient tout son trésor. C'était le seul argent qu'elle possédait sur la terre, et toute la richesse avec laquelle elle s'embarquait pour traverser un espace de plus de 800 lieues. « Mon père, dit-elle au missionnaire en ouvrant doucement sa porte, partons pendant que mes parents dorment encore. Ne les éveillons point, ils pleureront assez tôt. Ils sont tranquilles, parce qu'ils croient que nous ne pouvons sortir que par leur chambre. Mais la fenêtre de ce cabinet n'est pas haute. Je sauterai facilement en dehors, et je vous aiderai ensuite à descendre, sans vous faire aucun mal. » Le missionnaire se prêta à ce pieux stratagème, qui devait épargner de déchirants adieux à 3 infortunés. Quand il fut dans la forêt avec Élisabeth, elle mit son petit paquet sur son dos et fit quelques pas pour s'éloigner. Mais en tournant encore une fois la tête vers la cabane qu'elle abandonnait, ses sanglots la suffoquèrent. Elle se précipita tout en larmes devant la porte où dormaient ses parents. « Mon Dieu ! S'écria-t-elle, veillez sur eux, protégez-les, conservez-les-moi, et ne permettez pas que je repasse jamais ce seuil si je ne devais plus les retrouver. » Alors elle se lève, se retourne, elle voit son père debout derrière elle. « Oh, mon père, vous, pourquoi, mon père, pourquoi venir ici ? Pour te voir, t'embrasser, te bénir encore une fois, pour te dire, mon Élisabeth, si durant les jours de ton enfance j'en ai passé un sans te montrer ma tendresse, si une seule fois j'ai fait couler tes larmes, si un regard, une parole sévère ont affligé ton cœur, avant de t'éloigner, pardonne, pardonne à ton vieux père, afin que s'il n'est plus décidé au bonheur de te voir, il puisse mourir en paix. Ah, ne dis point ceci, interrompit Élisabeth. Et ta pauvre mère, continua-t-il, quand elle s'éveillera, que lui dirai-je? Que lui répondrai-je quand elle me demandera son enfant? Elle te cherchera dans cette forêt, sur les rives de ce lac. Je la suivrai partout en pleurant avec elle, en appelant partout avec elle notre enfant, qui ne nous répondra plus. À ces mots, Élisabeth s'appuya, à demi évanouie, contre le mur de la chaumière. Son père vit qu'il l'avait trop émue. Il se reprocha vivement sa faiblesse. « Ma fille, lui dit-il avec une voix plus calme, prends courage, je prendrai courage aussi. Je te promets, non de consoler ta mère, mais de la fortifier contre la douleur de ton départ. Je te promets de te la rendre quand tu reviendras ici. Oui, mon enfant, soit que le succès couronne ou non ton pieux voyage, tes parents ne mourront pas sans t'avoir revu. » Alors il dit au missionnaire, qui, les yeux baissés et dans un profond attendrissement, se tenait à quelque distance de cette scène d'affliction, « Mon père, je vous remets un bien qui n'a point d'égal. C'est plus que mon sang, que ma vie. Je vous le remets cependant avec confiance. Partez ensemble. Des milliers d'anges veilleront autour d'elle et de vous. Pour la défendre, les puissances célestes s'armeront. Cette poussière qui fut ses aïeux se ranimera. Et Dieu, puisqu'il est tout-puissant et qu'il est père aussi de mon Élisabeth, Dieu ne permettra pas que notre Élisabeth périsse. » La jeune fille, sans oser regarder son père, mit une main sur ses yeux, donna l'autre au missionnaire et s'éloigna avec lui. En ce moment, l'aurore commençait à éclaircir la cime des monts et dorait déjà le faîte des noirs sapins. Mais tout reposait encore. Aucun souffle de vent ne ridait la surface du lac, n'agitait les feuilles des arbres. Celle même du bouleau était tranquille. Les oiseaux ne chantaient point. Tout se taisait jusqu'au moindre insecte. On eût dit que la nature entière se tenait dans un respectueux silence, afin que la voix d'un père, qui, à travers la forêt, criait encore un adieu à sa fille, fût le dernier son qu'elle put entendre. J'ai essayé de dire les douleurs du père, mais celles de la mère, je ne laisserai point. Comment peindre cet infortuné qui, s'éveillant au cri de son époux, accourt à lui, et en lisant dans son attitude désolée que son enfant est parti, tombe dans de muettes angoisses, qui semblaient être à tout moment les dernières de sa vie. En vain son époux, rappelant tous les malheurs de l'exil, la conjurait de se calmer. Elle n'entendait plus la voix de son époux, et l'amour lui-même avait perdu sa puissance et n'arrivait plus à son cœur. Tant il est vrai que les douleurs d'une mère s'élèvent au-dessus de toutes les consolations humaines et ne peuvent être atteintes par rien de ce qui vient de la terre. Ah, Dieu seul s'est réservé le pouvoir de les adoucir, et s'il les donne en partage au sexe qu'il a fait le plus faible, c'est qu'il l'a fait assez tendre pour pouvoir aimer la main qui la frappe et croire au seul espoir qui console. Ce fut le 18 mai qu'Élisabeth et son guide se mirent en route. Ils employèrent un mois entier à traverser les forêts humides de la Sibérie, sujettes en cette saison à des inondations terribles. Quelquefois, des paysans tartares leur permettaient, pour une faible rétribution, de monter dans leurs charrettes. Et tous les soirs, ils se reposaient dans des cabanes si misérables qu'il ne fallait pas moins que la longue habitude qu'Élisabeth avait de la pauvreté pour pouvoir goûter un peu de repos. Elle se couchait toute vêtue sur un mauvais matelas, dans une chambre remplie d'une odeur de fumée, d'eau-de-vie et de tabac, où le vent soufflait souvent à travers les fenêtres collées avec du papier, et où, pour surcroît de désagréments, dormaient pêle-mêle le père, la mère, les enfants et quelquefois même une partie du bétail de la famille. À 40 verstes de Tioumen, on passe dans un bois où des poteaux indiquent la fin du gouvernement de Tobolsk. Élisabeth les remarqua. Elle quittait la terre de l'exil. Il lui sembla qu'elle quittait sa patrie et qu'elle se séparait une seconde fois de ses parents. « Ah, dit-elle, que me voilà loin d'eux à présent !» Cette réflexion, elle la fit encore lorsqu'elle mit le pied en Europe. Être dans une autre partie du monde lui présentait l'image d'une distance qui l'effrayait plus que le chemin qu'elle venait de faire. Elle laissait en Asie ses seuls protecteurs, les seuls êtres dans toute la nature sur qui elle eut tous les droits, et dont l'affection lui fut assurée. Et que trouverait-elle dans cette Europe si célèbre par ses lumières, dans cette cour impériale où affluent les richesses et les talents? Y trouverait-elle un seul cœur touché de sa misère, ému de sa faiblesse, dont elle put implorer la protection? Sans doute à cette pensée il était un nom qui devait se présenter à elle. Ah, si elle avait espéré de rencontrer à Pétersbourg, mais il n'y était point. L'ordre de l'empereur l'avait mandé pour joindre l'armée en Livonie. Elle ne le trouverait donc pas dans cette Europe, qui lui semblait n'être habitée que par lui, parce qu'il était la seule personne qu'elle y connût. Alors tout son recours était dans le père Paul. Un homme qui avait passé 60 ans à faire du bien devait, dans les idées d'Élisabeth, avoir un grand crédit à la cour des rois. De Perm à Tobolsk, on compte près de 900 verstes. Les chemins sont beaux, les champs fertiles et bien cultivés. On rencontre fréquemment de riches villages russes et tartares, dont les habitants ont l'air si heureux qu'on a peine à croire qu'ils respirent l'air de la Sibérie. Il y a même quelques auberges ornées de très belles images, de tables, de tapis et de plusieurs ustensiles de luxe qui étaient inconnus à Élisabeth et qui commençaient à étonner sa simplicité. Cependant, la ville de Perm, quoique la plus grande qu'elle eût vue encore, l'attrista par ses rues sales et étroites, la hauteur de ses maisons, le mélange confus de palais et de chaumières, et l'air fétide qu'on y respirait. Perm est entourée de marécages, et jusqu'à Kazan, le pays entrecoupé de brouillards stériles et de noires forêts de sapins, présente l'aspect du monde le plus triste. Dans la saison des orages, la foudre tombe très fréquemment sur ces vieux arbres, qu'elle embrase avec rapidité, et qui paraissent alors comme des colonnes d'un rouge ardent, surmontée d'une vaste chevelure de flammes. Plusieurs fois, Élisabeth et son guide furent témoins de ces incendies. Obligés de traverser ces bois qui brûlaient des deux côtés du chemin, tantôt ils voyaient des arbres consumés par le bas, soutenir de leur seule écorce leur cime que le feu n'avait pas encore gagnée, ou renversés à demi, formés comme un arc de feu au milieu de la route, ou enfin s'écroulant avec fracas, retombés l'un sur l'autre en pyramides embrasées, semblables à ces bûchers antiques, où la piété païenne recueillait la cendre des héros. Cependant, malgré ces dangers, et ceux plus imminents, peut-être, du passage des fleuves débordés, Élisabeth ne se plaignait point, et trouvait même qu'on lui avait exagéré les difficultés du voyage. Il est vrai que le temps était très beau, et qu'elle n'allait pas toujours à pied. On rencontrait le long de la route des charrettes et des kibiques vides, qui revenaient de mener des bannis en Sibérie. Pour quelques copecs, nos voyageurs obtenaient facilement des courriers la permission de monter dans leur voiture. Élisabeth acceptait sans humiliation les secours du bon père, car en les recevant de lui, elle croyait les tenir du ciel. Arrivée sur les bords de la Kama, vers les premiers jours de septembre, Nos voyageurs n'étaient plus qu'à 200 verstes de Kazan. C'était avoir presque fait la moitié du voyage. Ah, si le ciel eût permis qu'Élisabeth l'eût fini ainsi qu'elle l'avait commencé, elle aurait cru avoir faiblement le bonheur d'être utile à ses parents. Mais tout allait changer, et avec la mauvaise saison s'approchait le moment qui devait exercer son courage, mettre au jour sa vertu, et sur la tête du juste la couronne immortelle de vie. Depuis plusieurs jours, le missionnaire s'affaiblissait sensiblement. Il ne marchait plus qu'avec peine. Et quoique appuyé sur son bâton et sur le bras d'Élisabeth, il était obligé de se reposer sans cesse. S'il montait dans un kibik, la route formée de gros rondins placés sur des marécages lui causait des secousses horribles qui épuisaient ses dernières forces sans altérer un moment son courage. Cependant, en arrivant à Sarapoul, gros village à clocher sur la rive droite de la Kama, le bon religieux éprouva une défaillance si extraordinaire qu'il ne lui fut pas possible d'aller plus loin. Il fut recueilli dans un mauvais cabaret auprès de la maison de l'Upravitel, qui régit les biens de la couronne dans le territoire de Sarapoul. La seule chambre qu'on put lui donner était une espèce de galetas élevé, avec un plancher tout tremblant, des fenêtres sans carreaux, pas une chaise, pas un banc, pour tout meuble une mauvaise table et un bois de lit vide. On y jeta un peu de paille, et le missionnaire s'y coucha. Le vent qui soufflait par la fenêtre était si froid qu'il aurait éloigné le sommeil du malade, lors même que ses souffrances lui eussent permis de s'y livrer. De funestes pensées commençaient à effrayer Élisabeth. Elle demanda un médecin. Il n'y en avait point, Sarapoul. Et comme elle vit que les gens de la maison ne prenaient aucune part à l'état du pauvre mourant, elle fut réduite à n'avoir recours qu'à elle-même pour le soulager. D'abord, elle attacha contre la croisée un lambeau de vieille tapisserie qui pendait le long du mur. Ensuite, elle alla cueillir dans les champs de la réglisse à gousses velues, ainsi que des roses de gueldre. Et puis, les mêlant, comme elle l'avait vu pratiquer à sa mère, avec des feuilles du cotylédon épineux, elle en fit une boisson salutaire, qu'elle apporta au pauvre religieux. À mesure que la nuit s'approchait, son état empirait de plus en plus, et la malheureuse Élisabeth ne pouvait plus retenir ses larmes. Quelquefois, elle s'éloignait pour étouffer ses sanglots. Au fond de son grabat, le bon père les entendait, et il pleurait sur cette douleur qu'il ne pouvait pas soulager, car il sentait qu'il ne se relèverait plus, et que tout était fini pour lui sur la terre. Ah, ce n'est pas quand on a employé 60 ans pour Dieu qu'on peut craindre la mort. Mais comment ne pas regretter un peu la vie quand il y reste beaucoup de bien à faire ? « Mon Dieu, disait-il à voix basse, je ne murmure point contre votre volonté, mais si vous m'aviez permis de conduire cette pauvre orpheline jusqu'au terme de son voyage, il me semble que je serais mort plus tranquille. » Élisabeth avait allumé un flambeau de résine et demeura debout toute la nuit pour soigner son malade. Un peu avant le jour, elle s'approcha pour lui donner à boire. Le missionnaire, prévoyant qu'avant peu il ne serait plus en état de parler, se souleva sur son séant, prit le verre des mains de la jeune fille, et l'élevant vers le ciel, il dit « Mon Dieu, je la recommande à celui qui nous a promis qu'un verre d'eau offert en son nom ne serait pas un bienfait perdu. » Ces mots révélèrent à Élisabeth toute l'évidence d'un malheur que jusqu'alors elle s'était efforcée de ne pas croire possible. Elle vit que le religieux sentait qu'il allait mourir. Elle vit qu'elle allait tout perdre. Son cœur se brisa. Elle tomba à genoux devant le lit, le front couvert d'une sueur froide et la poitrine suffoquée de sanglots. « Mon Dieu, prenez pitié d'elle, mon Dieu !» répétait le missionnaire en la regardant avec une profonde compassion. À la fin, comme il vit que la violence de sa douleur allait toujours croissant, il lui dit « Au nom du ciel et de votre père, calmez-vous, ma fille, et écoutez-moi. » Élisabeth tressaillit, étouffa ses cris, essuya ses larmes, et les yeux fixés sur le religieux, attendit avec respect ce qu'il allait lui dire. Il s'appuya contre la planche qui servait de dossier à son lit, et recueillant toutes ses forces, il parla ainsi. « Mon enfant, vous allez être exposé à de grandes peines, en voyageant seul à votre âge, au milieu de la mauvaise saison. Cependant, c'est là votre moindre péril. La cour vous en offrira de plus terribles. Un courage ordinaire peut lutter contre la fortune, et ne résiste pas à la séduction. Mais vous n'avez pas un courage ordinaire, ma fille, et le séjour de la cour ne vous changera pas. Si quelques méchants, et vous en trouverez beaucoup, voulait abuser de votre situation et de votre misère pour vous écarter de la vertu, vous ne croirez point à leurs promesses, et toutes leurs vaines richesses ne vous ébloureront pas. La crainte de Dieu et l'amour de vos parents, voilà ce qui est au-dessus de tout, et voilà ce que vous avez. À quelque extrémité que vous soyez réduite, vous n'abandonnerez jamais ces biens pour quelque bien qu'on puisse vous offrir, et vous vous souviendrez toujours qu'une seule faute porterait la mort au sein de ceux qui vous ont donné la vie. « Ah, mon père, interrompit-elle, ne craignez pas, je ne crains rien, dit-il. Votre piété et votre dévouement ont mérité une confiance sans bornes, et je suis sûr que vous ne succomberez pas à l'épreuve à laquelle Dieu vous soumet. Maintenant, ma fille, prenez dans ma robe la bourse que le généreux gouverneur de Tobolsk me donna en vous recommandant à mes soins. Gardez-lui le secret, il y va de sa vie. Cet argent vous conduira à Pétersbourg. Allez chez le patriarche, parlez-lui du père Paul. Peut-être ne l'aura-t-il pas oublié. Il vous donnera un asile dans un couvent de filles et présentera sans doute lui-même votre requête à l'empereur. Il est impossible qu'on la rejette. Au moment de la mort, je puis vous le dire, ma fille, votre vertu est grande, le monde en voit peu de semblables. Il en sera touché, elle aura sa récompense sur la terre avant de l'avoir dans le ciel. » Il s'arrêta. Sa respiration devenait gênée, et une sueur froide coulait sur son front. Élisabeth pleurait en silence, la tête penchée sur le lit. Après une longue pause, le missionnaire détacha de dessus sa poitrine un crucifix de bois d'ébène, et le présentant à Élisabeth, il lui dit d'une voix affaiblie, « Prends ceci, ma fille, c'est le seul bien que j'ai à donner, le seul que j'ai possédé sur la terre. Avec lui, je n'ai manqué de rien. » Elle le pressa contre ses lèvres avec un vif transport de douleur, car l'abandon d'un pareil bien lui prouvait que le missionnaire était sûr de n'avoir plus qu'un moment à vivre. « Pauvre brebis abandonnée, ajouta-t-il, avec une grande compassion, ne crains plus rien, car voilà le bon pasteur du troupeau qui veillera sur toi. S'il te prend ton appui, il te rendra plus qu'il ne te prend. Fie-toi à sa bonté. Celui qui donne la nourriture au petit passereau et qui sait le compte des sables de la mer n'oubliera pas Élisabeth. Mon père, ou mon père, s'écria-t-elle en serrant la main qu'il étendait vers elle, je ne puis me soumettre à vous perdre. Mon enfant, reprit-il, Dieu l'ordonne, résigne-toi, calme ta douleur, dans peu d'instants je serai là-haut, je prierai pour toi, pour tes parents. Il ne put achever, ses lèvres remuaient encore, mais on ne distinguait aucun son. Il retomba sur sa paille, les yeux élevés vers le ciel, ses dernières forces furent employées à lui recommander l'orpheline gémissante, et il semblait encore prier pour elle quand déjà la mort l'avait frappée. Tant était grand dans son âme l'habitude de la charité. Tant, durant le cours de sa longue vie, il avait négligé ses propres intérêts pour ne songer qu'à ceux d'autrui. Au moment terrible de comparaître devant le trône du souverain juge et de tomber pour toujours dans les abîmes de l'éternité, ce n'était pas encore à lui-même qu'il pensait. Les cris d'Élisabeth attirèrent plusieurs personnes. On lui demanda ce qu'il avait. Elle montra son protecteur étendu sans vie. Aussitôt, au bruit de cet événement, la chambre se remplit de monde. Les uns venaient voir ce qui se passait avec une curiosité stupide. Ceux-ci jetaient un coup d'œil de surprise sur cette jeune fille qui pleurait auprès de ce moine mort. D'autres la regardaient avec pitié, mais les maîtres de l'auberge, occupés seulement de se faire payer les misérables aliments qu'ils avaient fournis, trouvèrent avec joie dans la robe du missionnaire la bourse que dans sa douleur, Élisabeth n'avait pas songé à prendre. Ils s'en emparèrent et dirent à la jeune fille qu'ils lui rendraient le reste quand ils se seraient remboursés de leurs frais et de ceux de l'enterrement. Bientôt les popes arrivèrent avec leurs flambeaux et leurs suites. Ils jetèrent un grand drap sur le corps du mort. La pauvre Élisabeth fit alors un cri douloureux. Obligée de quitter la main roidie de son guide qu'elle tenait toujours, elle dit un dernier adieu à cette figure vénérable qui respirait déjà une sérénité divine, et se précipita à genoux dans le coin le plus obscur de la chambre. Là, baignée de larmes, la tête couverte d'un mouchoir, comme pour se cacher ce monde désert où elle allait marcher seule, elle s'écriait d'une voix étouffée, « Ô esprit bienheureux, n'abandonne pas la pauvre délaissée. Ô mon père, ma tendre mère, que faites-vous maintenant que tout secours vient d'être ôté à l'enfant de votre amour ?» Cependant, on commença quelques chants funèbres. On mit le corps dans la bière, et quand vint le moment de l'emporter, Élisabeth, quoique faible, tremblante et désespérée, voulut accompagner jusqu'à son dernier asile celui qui l'avait soutenue, secourue, fortifiée, et qui était mort en priant pour elle. Sur la rive droite de la Kama, au pied d'une éminence où s'élèvent les ruines d'une forteresse construite pendant les anciens troubles des Bashkirs, est le lien consacré à la sépulture des habitants de Sarapoul. Cette place est en pleine campagne. Elle est entourée d'une haie de mélèzes nains. Au milieu, on voit une petite maison de bois qui sert d'oratoire. et tout autour des amoncellements de terre surmontés d'une croix qui désigne autant de tombeaux. Çà et là, quelques sapins épars projettent des ombres lugubres, et de dessous les pierres, sépulcrales, sortent des touffes de chardons en forme de bluets, avec de larges feuilles pendantes et découpées, et une autre plante dont la tige, nue et penchée, se divise en plusieurs rameaux effilés, et dont les fleurs d'un jaune livide semblent faites pour ne s'épanouir que sur les tombeaux. Le cortège qui suivait le cercueil du missionnaire était assez nombreux. On y voyait plusieurs sortes de nations, des Persans, des Turkmènes, des Arabes échappés à l'esclavage des Kirghiz et reçus dans des collèges fondés par la dernière impératrice. Ils suivaient pêle-mêle, un flambeau de paille à la main, le convoi funèbre en mêlant leur voix à celle des popes, tandis qu'Élisabeth, silencieuse, marchait à pas lents, la tête couverte, et ne sentant de relation au milieu de cette foule tumultueuse qu'avec celui qui n'était plus. Quand le cercueil fut placé dans la fosse, le pope, selon l'usage du rite grec, mit une petite pièce de monnaie dans la main du mort pour payer son passage. Et, après avoir jeté un peu de terre par-dessus, il s'éloigna, et là demeura enseveli, dans un éternel oubli, un mortel charitable qui n'avait pas passé un seul jour sans faire du bien à quelqu'un, semblable à ces vents bienfaisants qui portent en tout lieu les graines utiles, et qui les font germer dans tous les climats. Il avait parcouru plus de la moitié du monde, semant partout la sagesse et la vérité. Et il mourait ignoré du monde, tant la renommée s'attache peu à la bonté modeste. Tant les hommes qui la distribuent ne l'accordent qu'à ce qui les étonne, à ce qui les détruit, et jamais à ce qui les console. Aux rayons éclatants, éblouissantes lumières, superbe gloire humaine, ne pense pas que Dieu t'eût permis d'être ainsi le prix de la grandeur, s'il n'avait réservé sa propre gloire pour être le prix de la vertu. Élisabeth resta dans ce lieu de tristesse jusqu'à la chute du jour. Elle y pleura, elle y pria beaucoup, et ses larmes et ses prières la soulagèrent. Dans les grandes infortunes, il est bon, il est utile de pouvoir passer quelques heures à méditer entre le ciel et la mort. Du tombeau s'élèvent des pensées de courage, du ciel descendent de consolantes espérances. On craint moins le malheur là où on en voit la fin, et là où on en presse la récompense, on commence presque à l'aimer. Élisabeth pleurait et ne murmurait point. Elle remerciait Dieu des bienfaits qu'il avait répandus sur une partie de sa route, et ne croyait point avoir le droit de se plaindre parce qu'il les avait retirés à l'autre. Elle se retrouvait comme sur les bords du Tobol, sans guide, sans secours, mais armée du même courage et remplie des mêmes sentiments. « Mon père, ma mère, s'écriait-elle, ne craignez rien, votre enfant ne se laissera point abattre. » Ainsi elle cherchait à les rassurer, comme s'ils eussent pu deviner l'abandon où elle se trouvait. Et quand un secret effroi gagnait son cœur, « Mon père, ma mère », répétait-elle encore, et ses noms calmaient sa frayeur. « Homme juste et maintenant bienheureux, disait-elle, en appuyant son front sur la terre fraîchement remuée, faut-il vous avoir perdu avant que mon noble père, ma tendre mère, vous ait remercié de vos soins pour leur pauvre orpheline ? Ô bonheur d'être béni par eux ! Faut-il que vous en ayez été privé ?» Quand la nuit commença à s'approcher, et qu'Élisabeth sentit qu'il fallait s'arracher de ce lieu funèbre, elle voulut y laisser quelques traces de son passage. Et prenant un caillou tranchant, elle traça ces mots sur la croix qui se levait au-dessus du cercueil. « Le juste est mort, et il n'y a personne qui y prenne garde. » Alors, disant un dernier adieu aux cendres du pauvre religieux, elle sortit du cimetière, et revint tristement occuper la chambre déserte de l'auberge de Sarapoule. Le lendemain, quand elle voulut se remettre en route, l'hôte lui donna 3 roubles, en l'assurant que c'était tout ce qui restait dans la bourse du missionnaire. Élisabeth les prit avec un sentiment de reconnaissance et d'attendrissement, comme si ses richesses, qu'elle devait à son protecteur, lui étaient arrivées de ce ciel, où il habitait maintenant. « Ah ! S'écria-t-elle, mon guide, mon appui, ainsi votre charité vous survit, et quand vous n'êtes plus auprès de moi, c'est elle qui me soutient encore. » Cependant, dans sa route solitaire, elle ne peut cesser de verser des larmes. Tout est pour elle un objet de regret. Tout lui fait sentir l'importance du bien qu'elle a perdu. Si un paysan, un voyageur curieux, la regarde et l'interroge, elle n'a plus son vénérable protecteur pour commander le respect. Si la fatigue l'oblige à s'asseoir et qu'un kibichevine vienne à passer, elle n'ose point l'arrêter, dans la crainte d'un refus ou d'une insulte. D'ailleurs, ne possédant que 3 roubles, elle aime mieux qu'il lui serve à retarder le moment d'avoir recours aux aumônes qu'à lui procurer la moindre commodité. Aussi se refusait-elle maintenant les légères douceurs que le bon missionnaire lui procurait souvent. Elle choisit toujours pour s'abriter les plus pauvres asiles, et se contente du plus mauvais lit et de la nourriture la plus grossière. Ainsi, cheminant très lentement, elle ne put arriver à Kazan que dans les premiers jours d'octobre. Un grand vent de nord-ouest soufflait depuis plusieurs jours et avait amassé beaucoup de glaçons sur les rives du Volga, ce qui avait rendu son passage presque impraticable. On ne pouvait le traverser que parti en nacelle et parti à pied, en sautant de glaçon en glaçon. Les bateliers, accoutumés aux dangers de cette navigation, n'osaient plus aller d'un bord du fleuve à l'autre que pour l'appât d'un gain très considérable, et nul passager ne se serait exposé à faire le trajet avec eux. Élisabeth, sans examiner le péril, voulut entrer dans un de leurs bateaux. Ils la repoussèrent brusquement en la traitant d'insensée, et jurant qu'ils ne permettraient pas qu'elle traversât le fleuve avant qu'il fût entièrement glacé. Elle leur demanda combien de temps il faudrait probablement attendre. « Au moins 2 semaines, répondirent-ils. Alors elle résolut de passer sur le champ. « Je vous en prie, leur dit-elle d'une voix suppliante. « Au nom de Dieu, aidez-moi à traverser le fleuve. « Je viens de par-delà Tobolsk. « Je vais à Pétersbourg demander à l'empereur la grâce de mon père exilé en Sibérie. « Et j'ai si peu d'argent que si je demeurais 15 jours à Kazan, il ne me resterait plus rien pour continuer ma route. » Ces paroles touchèrent un des bateliers. Il prit Élisabeth par la main. « Venez, lui dit-il, je vais essayer de vous conduire. Vous êtes une bonne fille, craignant Dieu et aimant votre père. Le ciel vous protégera. » Il la fit entrer avec lui dans sa barque et navigua jusqu'à moitié du fleuve. Alors, ne pouvant aller plus loin, il prit la jeune fille sur ses épaules et, marchant sur les glaces, en se soutenant sur son aviron, il atteignit sans accident l'autre rive du Volga et y déposa son fardeau. Élisabeth, pleine de reconnaissance, après l'avoir remercié avec toute l'effusion du cœur le plus touché, voulut lui donner quelque chose. Elle tira sa bourse, qui contenait un peu moins de 3 roubles. « Pauvre fille, lui dit le batelier en regardant son trésor, voilà donc tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as pour te rendre à Pétersbourg. Et tu crois que Nicolas Kizolov t'en ôtera une obole ? Non, je veux plutôt y ajouter. Cela me portera bonheur, ainsi qu'à mes 6 enfants. »